Chapitre 4. C'était non seulement un profond chagrin qu'il éprouvait, mais encore un accablement, un abattement désespéré. Il avait quitté Paris sous le coup d'une douleur furieuse, ne se sentant pas maître de sa raison, ayant peur de se laisser entraîner. Il n'avait voulu qu'une chose, n'être pas exposé à se trouver face à face avec celle qui l'avait trompé. Son départ de chez lui lui avait été un soulagement. Le coup de sifflet de la locomotive qui allait l'emporter, un soulagement plus grand encore. Il ne la verrait plus. C'était fini. Et comme toujours, l'irréparable avait apporté avec lui un sentiment de délivrance. Maintenant qu'elle était pour jamais écartée de sa vie, morte, il ne lui restait plus qu'à chasser son souvenir et à faire l'oubli, à faire la nuit sur les derniers mois de son existence. Les distractions de la route s'imposeraient à son esprit. Il était un homme, et dans des circonstances autrement critiques, il avait su se servir de sa volonté. Qu'était-ce qu'un amour, qu'une passion à briser? Une amputation à faire, voilà tout. Il la ferait, de sa propre main, sans trembler et sans se plaindre. N'était-elle pas déjà faite, d'ailleurs, par ce départ? Maintenant, ce n'était plus qu'une plaie à guérir, et elle se cicatriserait d'elle-même, à la condition de n'être pas trop délicatement soignée. C'était pendant que le train l'emportait rapidement vers Genève qu'il réfléchissait ainsi et s'affermissait dans sa résolution, s'applaudissant lui-même de l'avoir prise. Mais il n'avait pas tardé à reconnaître que les distractions de la route n'avaient pas la puissance qu'il leur avait attribuée, et qu'il existait une terrible différence entre ce que les yeux regardent et ce qu'ils voient. Ce qu'il regardait, le front appuyé contre la glace de son wagon, c'était les arbres, les maisons, les jardins, les champs, les bois et les eaux qui défilaient devant lui. Mais ce qu'il voyait, c'était une image qui s'interposait entre lui et ces objets qui flottaient sur la vapeur humide de la vitre, comme une apparition magique. Cette image, c'était celle de Madame de Lucilière, celle d'Henriette. Il voulait la chasser. Il fermait les yeux pour ne pas la voir. Il essuyait la buée de la vitre pour l'effacer. Elle ne disparaissait point et revenait toujours. Il semblait que le souffle chaud qui sortait de sa poitrine dessinât nettement sur le verre les contours de cette image, comme ces paysages, tracés à l'encre sympathique, qui ne redeviennent visibles que lorsqu'on les expose à une haleine tiède. Elle était là, elle le regardait, il plongeait les yeux dans les siens. La charmante, la décevante créature, comme il l'avait aimée. Et maintenant il ne pouvait que la haïr, rougir de son amour, souffrir de son souvenir. Dans ces conditions, le sentiment de délivrance qu'il avait éprouvé n'avait pas longtemps duré. Délivré de quoi, d'ailleurs? En réalité, il n'était nullement délivré, et un poids écrasant pesait sur son cœur meurtri. La plaie, loin de se cicatriser, comme il l'avait espéré, fournissait toujours du sang, et devenait le siège d'une douleur de plus en plus intense, qui ne lui laissait ni trêve ni repos. Tout d'abord, et avant de partir, il avait compté sur le mouvement du voyage pour apporter un dérivatif à cette douleur. En route, constatant combien ce mouvement était peu efficace, il avait compté sur le calme d'une installation définitive, et c'était là ce qui l'avait déterminé à s'établir au Glion. Mais le calme n'avait pas mieux réussi que le mouvement. Partout, en wagon aussi bien que dans la solitude, il n'avait qu'une pensée dans le cœur, qu'une image devant les yeux, qu'un nom sur les lèvres, elle, elle et toujours elle, Henriette, sa chère Henriette. De même qu'il n'y avait qu'une question qui occupa son esprit, la nuit comme le jour, dans la veille comme dans le sommeil, toujours, sans relâche. Pourquoi l'avait-elle trompé? Car malgré sa passion, il n'allait pas jusqu'à se demander s'il était trompé, ou à douter des preuves qui avaient passé sous ses yeux. Elle l'avait trompé, cela était certain. Ce qu'il avait lu ne s'était point effacé. Dites-vous bien que je vous aime. À vendredi, votre vendredi. L'amour de celle qui sera pour la vie votre Henriette. Ces mots avaient été imprimés sur sa chair avec un fer rouge. Non seulement il les voyait toujours, mais toujours il ressentait leur brûlure aussi violente qu'au premier moment. Et il n'y avait pas de défense possible à opposer à ces témoignages accablants pour elle. C'était elle qui avait écrit ces mots. C'était son écriture qu'il avait lue. Il ne s'agissait pas d'accusations plus ou moins vagues, d'inductions plus ou moins fondées. Il y avait un fait matériel, il avait vu. et ce n'était pas une seule lettre qu'il avait vue, mais trois, plus graves, plus terribles les unes que les autres. Alors, pourquoi l'avait-elle aimé? Bien qu'il approchât de la trentaine, le colonel Chamberlain n'était point un profond psychologue. Où eût-il appris cette science difficile? Surtout, où en eût-il acquis l'expérience et la pratique appliquée à l'étude de l'âme féminine? Sorti de l'école militaire de West Point en 1860 à 21 ans, il avait été presque aussitôt jeté au milieu de la guerre civile. Et ce n'avait pas été dans les rudes expéditions de Sheridan et Sherman qu'il avait trouvé le temps d'étudier attentivement les femmes. Lorsqu'on fait campagne sans repos pendant 5 ans, et des campagnes telles que furent celles de cette guerre de sécession, pendant lesquelles on parcourait quelquefois à cheval 300 000 en 25 jours, en pays ennemi, se battant contre de bonnes troupes, prenant et brûlant des villes, on a peu de loisirs pour suivre les caprices du cœur féminin. S'il avait pu voir la naissance d'un sentiment, il lui avait presque toujours été impossible d'assister à sa dégénérescence et à sa mort. À cheval, il n'emportait avec lui qu'un bon souvenir. Pour juger les femmes, il en était réduit à se prendre lui-même pour point de comparaison. Qu'eût-il fait lui-même dans ces circonstances? Or, il y a une méthode au monde pire que celle-là, plus étroite, qui donne de plus forts résultats. Vous avez été élevé dans une école militaire. Vous avez passé vos années de jeunesse sur les champs de bataille, au milieu des tristesses de la guerre civile, et c'est d'après votre nature façonnée dans ces conditions, c'est d'après votre caractère, vos habitudes, vos mœurs, que vous voulez juger une femme qui s'est formée au milieu d'une société qui ne ressemble en rien à celle où vous avez vécu. Elle est femme et vous êtes homme. Elle est parisienne et vous êtes américain. Et de bonne foi, naïvement, vous vous demandez ce que vous auriez fait si vous aviez été elle. Jamais il ne l'aurait trompée. Pourquoi l'avait-elle trompée? Quelle femme était-elle donc? Sur ce point, il l'avait étrangement varié. Tout d'abord, il avait été à l'extrême. Il l'avait condamnée avec la dernière sévérité. Elle l'avait trompée. C'était tout dire. Si ceux qui l'espionnaient avaient pu l'approcher, alors qu'il suivait fiévreusement un sentier de la montagne, sans savoir où il allait, marchant pour marcher et user sa fureur, que deux fois ne l'aurait-il pas entendu murmurer « La misérable, la misérable !» Et à ce moment, ils auraient pu remarquer aussi que ses lèvres étaient contractées et qu'il enfonçait ses ongles dans les chairs de ses mains fermées. Mais après avoir été aussi loin que possible dans ce sens, il était revenu naturellement en arrière et au lieu de la condamner violemment, il avait cherché à la connaître et à la juger. Quelle était-elle? Jusqu'au jour où il avait tenu entre ses mains ces horribles feuilles de papier. Elle avait eu pour lui toutes les qualités et toutes les perfections. Puis, brusquement, instantanément, quand il avait tenu entre ses mains l'épreuve de ses tromperies et de sa faute, elle avait eu tous les défauts et tous les vices. Alors, pour la première fois, il avait commencé à comprendre quelle était cette femme qu'il avait adorée sans la connaître, et que maintenant il ne devait plus revoir. Ni un miroir de perfection, ni un abîme de vice. Ce n'était ni dans l'un ni dans l'autre de ces extrêmes qu'était la vérité et la justice. Charmante, oui. Misérable, oui. Mais avec des points intermédiaires qu'il fallait relever, si l'on voulait la connaître telle qu'elle était, avec un mélange de bon et de mauvais. Un mot qu'il avait lu dans un écrivain philosophe lui revint à l'esprit, et l'appliquant à Madame de Lucilière, lui parut la bien juger. Ses sentiments valaient mieux que ses mœurs. Évidemment, ses mœurs étaient déplorables, et c'était elles les grandes coupables. Le cœur valait mieux, sans rien de digne, il est vrai, sans rien d'élevé, mais cependant avec de bons sentiments. Elle l'avait aimé. Il n'eût pas osé le dire à un confident. Mais avec lui, il pouvait être sincère. Il était certain qu'elle l'avait aimé d'un amour tel qu'elle le comprenait. Point exclusif, point jaloux, mais agréable et facile, devant ne donner que des plaisirs, sans tous les chagrins et les emportements de la passion. Avec cela, n'ayant pas conscience de la fidélité, qui était pour elle une vertu bourgeoise, un préjugé à l'usage des petites gens. Quant à la femme, rien ne pourrait faire qu'elle ne restât pas une adorable créature, la maîtresse la plus séduisante, la plus enivrante qu'on pût désirer. Combien de fois, pensant à l'influence qu'elle exerçait sur lui, et frissonnant de bonheur au souvenir des heures passées près d'elle, ne s'était-il pas rappelé une phrase écrite par Diderot dans un conte, qui est un des plus courts, mais en même temps un des plus profonds de notre littérature ? Elle n'a qu'un talent, et ce rare, ce sublime, ce merveilleux talent, c'est de me rendre plus heureux entre ses bras que je ne le fus jamais entre les bras d'aucune autre femme. Il lui fallut longtemps avant d'arriver à cet équilibre dans son jugement, car malgré lui, il se laissait aller d'un excès à un autre. Pendant une heure, il l'accablait de son mépris et de sa haine. Puis, tout à coup, un rien, un souvenir, un mot qui lui revenait, un parfum qu'il respirait, la lui rappelait avec toutes ses séductions, et alors, s'attendrissant, il se fût jeté à ses pieds, si elle avait été près de lui. Mais lorsqu'il fut parvenu à envisager d'un œil moins troublé et d'un esprit plus raisonnable la situation, lorsqu'il put penser à Madame de Lucilière sans les emportements de la haine ou sans les défaillances de la passion, il entra dans une période de calme relatif. Il avait été un enfant de se jeter dans cette passion, sans regarder, sans étudier celle qui la lui inspirait. Pourquoi avoir exigé d'elle ce qu'elle ne pouvait donner ? Pourquoi ne l'avoir pas prise telle qu'elle était, c'est-à-dire comme une charmante maîtresse ? N'était-ce pas ainsi que tout d'abord il avait pensé à elle ? N'était-ce pas ce rôle qu'il lui avait destiné ? Alors que lui importait qu'elle eût ou n'eût pas de sérieuses qualités ? Il ne devait pas faire appel à ses qualités dans la liaison éphémère qu'il désirait. Ne l'avait-on pas prévenu de sa légèreté ? Ne lui avait-on pas dit et répété sur tous les tons qu'elle avait des amants ? Il n'avait pas pris souci de ses amants à ce moment où, plus justement, pour être sincère, il fallait reconnaître qu'il s'était dit que cela devait plutôt le confirmer, dans son dessein que de l'en détourner. Il ne s'engagerait pas trop avant, il ne se laisserait pas entraîner. Cette liaison serait un caprice et non une passion. Pourquoi la passion s'était-elle établie, envahissante, irrésistible ? À qui la faute ? Qui était coupable de cette folie ? Il avait voulu jouer avec l'amour et il s'était laissé prendre à ce jeu. Madame de Lucilière n'avait pas changé. Elle était aujourd'hui ce qu'elle était un an auparavant, ce qu'elle avait été, ce qu'elle serait toute sa vie. Mais au lieu de comprendre cette nature et ce caractère, il s'était naïvement imaginé que, par cela seul qu'il l'aimait, elle devait l'aimer d'un amour semblable à celui qu'il éprouvait pour elle. Combien plus sage n'eût-il pas été au contraire de l'aimer d'un amour semblable à celui qu'elle éprouvait pour lui ? L'un et l'autre, ils auraient été heureux dans le présent et l'avenir aurait été réservé, comme tout d'abord il avait voulu qu'il le fût. S'il avait su s'enfermer dans cette ligne prudente, comme sa situation maintenant serait différente de celle qu'elle était réellement. S'attendant à une rupture, la regardant comme possible pour un jour ou l'autre, il n'aurait point éprouvé l'horrible douleur qui venait de l'anéantir, lorsqu'il avait fallu se séparer violemment de celle que peu à peu il était arrivé à prendre pour but de sa vie, et à laquelle il se considérait comme lié pour l'éternité. D'un autre côté, quelle différence encore plus grande et plus importante ! Ne demandant à cette liaison qu'une agréable distraction, il n'aurait point renoncé à ses idées de mariage, et sa petite cousine fût restée la femme qu'il épouserait un jour, suivant le désir, suivant la volonté de son père mourant. Il aurait continué à la voir, il aurait appris à la connaître, il se serait de plus en plus attaché à elle, et quand son oncle Antoine serait venu lui parler d'un mariage pour Thérèse, il aurait répondu que le mari de Thérèse, ce serait lui. Au lieu d'accepter le rôle malheureux qu'il s'était laissé imposer par faiblesse autant que par remords, il l'aurait rejeté loin de lui. Il ne se serait point fait l'ambassadeur de Michel. Au lieu de plaider la cause d'un rival, il aurait plaidé la sienne propre. Au lieu de parler pour un autre, il aurait parlé pour lui, et il lui semblait que la réponse de Thérèse aurait été autre que ce qu'elle avait été. Elle n'aurait pas dit, elle n'aurait pas obstinément répété « Je ne veux pas me marier car je n'aime pas Michel aujourd'hui. Je ne veux pas le repousser absolument car je ne sais pas quels seront plus tard mes sentiments. » Sans doute, cette réponse lui permettait de reprendre maintenant ses anciens projets, et puisque Thérèse avait réservé sa liberté, de lui demander d'être sa femme. Mais cela était-il véritablement possible ? Loyalement pouvait-il adresser une pareille demande à Thérèse ? Sa liaison avec Madame de Lucilière n'eût-elle été que ce qu'il avait tout d'abord voulu qu'elle fût, un simple caprice ? Il ne se serait fait aucun scrupule de revenir à celle qui serait restée sa fiancée. Mais les choses ne s'étaient point passées ainsi. Cette liaison n'avait point été un simple caprice, elle avait été une passion, au contraire, à laquelle il s'était donné tout entier. Maintenant qu'elle s'était violemment brisée, pouvait-il retourner vers Thérèse? Que restait-il d'intact en lui après ce terrible écroulement, qui le laissait écrasé, anéanti, et en tout cas pour longtemps, sinon pour toujours, endolori? Qu'aurait-il de bon à offrir à cette jeune fille? Quelle partie de son cœur était vivante et saine? Ce qu'il voulait dans le mariage, ce n'était pas seulement que sa femme l'aimât, c'était encore qu'il aimât lui-même sa femme. Pouvait-il, pourrait-il aimer maintenant? Et d'ailleurs, alors même que son cœur ne se fût pas révolté à cette pensée d'un mariage possible, il n'aurait jamais maintenant osé demander à Thérèse d'être sa femme. Ne s'était-il pas interdit à jamais de parler pour lui, le jour où il avait consenti à se faire l'avocat de Michel? À ses propres yeux, comme aux yeux de Thérèse, cette position nouvelle qu'il voudrait prendre serait ridicule. Aux yeux d'Antoine, comme à ceux de Michel, elle serait honteuse. Dans ce rôle de confident qui agit dans son propre intérêt et pour lui-même, il y aurait quelque chose d'indélicat. Ce serait un manquement à la confiance mise en lui. Non, tout lui interdisait, lui-même aussi bien que les autres, de tourner les yeux vers Thérèse. Elle aussi, elle était à jamais perdue pour lui. Ah, comme il avait gaspillé, sacrifié sa vie! Comme il avait follement engagé son honneur dans des aventures où il pouvait sombrer, tout aussi bien qu'avait sombré son bonheur et son repos. L'amant passionné de la marquise de Lucilière, l'associé aveugle du marquis. Dans quels abîmes, tous deux, la femme et le mari, ne l'avaient-ils pas entraîné? Mais s'il se sentait présentement incapable de rien faire pour son bonheur, il fallait au moins lutter pour son honneur et ne rien négliger pour le sortir de ce bourbier. Le moyen à prendre pour cela était en réalité assez simple et assez facile. Il consistait à rompre ouvertement son association avec M. de Lucilière, de telle sorte que chacun comprit qu'il ne voulait pas se faire le complice des procédés du marquis. Ce n'était qu'une question d'argent, un sacrifice, et les sacrifices de ce genre n'étaient pas pour l'arrêter. Il avait alors écrit une longue lettre à son ami Gaston de Pompéran, en le chargeant de procéder à la liquidation de son association avec le marquis de Lucilière pour leur écurie de course. Quittant Paris pour longtemps, disait-il, cette écurie ne l'intéressait plus, et d'ailleurs il ne voulait pas s'exposer à des pertes que son absence ne lui permettait pas de prévenir ou d'atténuer. À cette éventualité, il préférait un sacrifice immédiat, une perte telle quelle, aussi lourde qu'il faudrait pour ne pas rester engagé. Puis, voulant mettre Gaston de Pompéran en mesure de traiter cette affaire à fond et de la terminer, il avait voulu lui donner les pouvoirs nécessaires pour agir légalement, si le marquis recourait aux formes légales, et il s'était rendu à Genève pour faire une procuration en forme. Sans doute, il y avait un inconvénient à dire qu'il était à Genève, mais cet inconvénient était moindre en tout cas que ceux qui pouvaient résulter d'une prolongation d'association avec le marquis. C'était ce voyage à Genève qui avait donné lieu aux commentaires de Mademoiselle de Ratinelle et qui avait fait croire qu'il allait au-devant de Madame de Lucilière. Vraiment, cette petite histoire était bien trouvée, et c'était bien à faire venir Madame de Lucilière au Glion qu'il songeait. C'était bien l'absence de Madame de Lucilière qui causait ce profond chagrin, qui intriguait si vivement les curieux de l'hôtel du Rigis.